Bonne année! Salut la radio, c'est dimanche matin, on est toujours en train de camper dans le hall de la maison communale de Plainpalais et nous en sommes ravis. Bonjour Marie, bonjour Camille, bonjour Antoine. Bonjour! Et c'est parti pour trois respirations. On ne doit pas faire le jingle d'abord. Ah merde, ouais, d'abord on fait le jingle, c'est vrai, t'as raison. Alors, bah, est-ce que tu as deux... J'ai deux voix. Radio-zine. Est-ce une radio ou est-ce un fanzine? Est-ce un radio? Est-ce une zine? Est-ce une zine? Alors, nous ne le saurons pas. Bonjour. Voilà. Ouh, c'était un très beau dernier jingle. Trois respirations. Et on inspire profondément. Merci beaucoup Marie, je me suis vraiment pris tout ton tout ton vent dans la, c'est mon deuxième mon vent souffle, de la semaine, tout ton souffle dans le visage. Ah, c'est beau, tour météo, comment ça va, comment vous, quelle est votre météo intérieure, très chère Camille? Surtout pas dire, tu super, pas j'avais hâte de ce moment. Météo du jour. Le marronnier est toujours là. C'est un marronnier, c'est juste. C'est ça. Oui. Toujours en fleurie. Oui. Oui. Mais il fait gris. Voilà. Pareil chez moi. Toujours en fleurs, mais gris. Marie, comment vas-tu? Moi, je vais bien. C'est la fin. Et moi, j'aime pas la fin. Mais je suis quand même contente de tout ce temps passé ensemble. Et voilà. Merci beaucoup. À moi? Oui. Oui, parce qu'on tourne dans le sens. Oui. Ben, moi, c'est tout pareil. J'étais trop méga ravie de passer cette semaine avec vous et de toutes les rencontres. Et c'était trop beau. Et je me sens en même temps tout plein d'amour. C'était trop stylé. Et en même temps, triste. Et fatigué, mais voilà, il nous reste encore une dernière émission à faire, une dernière. Antoine, oui, une dernière. Comment oui, vas-tu? Bah pareil, je suis un peu mi figue, mi raisin, mi amour, mi désespoir, et c'est ce qui fait toutes ces belles nuances de gris qui sont autour de cette table. Et on va enchaîner ouais. avec le